À l'occasion de la journée de la brillante étoile, le dirigeant suprême Kim Jong-un a reçu une corbeille de fleurs du président laotien Bunyang Vorachit, secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire Lao. La corbeille de fleurs a été remise le 10 à un fonctionnaire intéressé coréen par l'ambassadeur laotien en Corée, Prongkhorn Intrabwari.